En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard, bien entendu, ou de chute de neige. Dans cette situation, je peux circuler avec les feux de brouillard avant et arrière. Réponse A et C.